ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le mouvement punk des années 70. Moi, j'ai de la haine pour les générations passées parce que moi, disons que ce qui m'énerve pas mal, là, c'est le fait qu'on a un genre de couperet au-dessus de la tête avec les bombages puis tout ça, ce genre de kit-là. Puis le 11 novembre, ils vendent des choses pour... ils vendent des petites fleurs pour qu'on s'accroche. Moi, du monde de même, je crache dessus, si j'en ai rien à foutre pendant tout, tu sais. Étant donné qu'on est considéré comme des vidanges, ben on s'est dit, ben coudonc, on est considéré comme des vidanges, on va être des vidanges. Puis on est ben de même. L'esprit punk, il est tout là dans cet extrait de l'émission Repère qu'on vient d'entendre. L'esprit punk, c'est celui de cette génération No Future des années 70 qui crache sur la génération qui l'a précédée et qui s'attaque à l'ordre établi avec le seul objectif de provoquer et de créer le chaos. Mais le mouvement punk, ce sera aussi un mouvement récupéré commercialement et au-delà de l'esprit punk, on inventera bientôt une mode punk et émergera aussi toute une musique punk. De plus en plus, en Grande-Bretagne, la jeunesse adopte la mode punk. Punk peut se traduire en français par les mots voyou, mauvais ou pourri. Les grands-dus du punk sont un groupe musical qui se nomme les Sex Pistols. La philosophie avouée des punks est de choquer, scandaliser, blesser ou offenser. La musique punk doit être un rock'n'roll simple et cacophonique. Le costume punk doit faire penser à un film d'horreur. Les bijoux sont des épingles à couche, les cheveux sont teints du roux au vert. Les costumes sont souvent fabriqués de vinyle et de filets de pêche stylisés. Petite leçon en accéléré sur le mouvement punk au son de la musique des Sex Pistols dans ce reportage de Jean Larrain en 1976. Pour nous raconter cette odyssée punk des années 70, l'auteur, ancien DJ et co-réalisateur en 2011 du documentaire Montréal Punk, Alain Clich. Alain Clich, bonjour. Bonjour. Ça naît donc dans les années 70. Dans quel contexte ça naît ce mouvement punk? Ça naît dans un contexte urbain, il faut le dire, au cœur de New York. New York est sur le bord de la faillite, qui est dévasté. Donc, New York avant Londres. Ça, c'est intéressant parce que c'est beaucoup en Grande-Bretagne que va... Oui. Ben, en fait, c'est parce que c'est en Grande-Bretagne que le mouvement a été médiatisé énormément, puis que ça a vraiment, vraiment débordé sur le reste de la planète. Mais c'est vraiment à New York que ça a pris racine puis que ça a pris forme. Donc, crise économique, on est à New York. On est à New York. New York est une ville abandonnée sur le bord de la faillite. C'est beaucoup, beaucoup de junkies. Je veux dire, les édifices sont abandonnés. Faut voir le footage sur le Lower East Side de New York à l'époque, où est-ce que tu as des pâtés entiers de maisons qui sont abandonnés. Et ça, c'est parfait pour les artistes qui peuvent y arriver parce que ça coûte rien, puis ils peuvent expérimenter parce que on n'a pas besoin de... Je veux dire, les loyers sont faits parce que personne ne veut habiter là parce que c'est trop dangereux. C'est plein de junkies. Puis c'est... Donc ça, c'est le contexte dans lequel ça vient au monde. À New York, ça va se déplacer au Royaume-Uni. Il y aura un mouvement punk, puis on en reparlera un peu plus tard au Canada, à Montréal, mais ailleurs aussi. On entendait dans ce reportage qui date de 76, Jean Larrain essayait d'expliquer un peu l'esprit punk, la philosophie punk. C'est quoi, de fait, la pensée punk? Ben, je pense qu'il a mis le doigt dessus. C'est un rejet des conventions, un rejet de l'establishment. Enfin, un rejet de tout ce qui a existé, de tout, en fait, de tout. La génération New Future qui fait au fond un gros bras d'honneur à... aux hippies à l'époque, parce que c'est les hippies qui sont là. Fait que c'est une façon de... C'est une cassure, une brisure temporelle avec, et culturelle avec tout ce qui s'est passé avant. Fait que comme les hippies sont là, ben, la première des choses, c'est de tracher les hippies. Ouais. Puis tout le reste, toute l'autorité, c'est le refus que quelqu'un pense pour toi, mm-hmm. le refus de te faire dire quoi penser et un rejet de pas mal tout. Pas mal tout. Au Québec, quelle dimension ça va avoir? À quoi ça va correspondre, le mouvement punk? Qu'est-ce qu'on va refuser et rejeter au Québec? Oui, bien évidemment, au Québec, le contexte est légèrement différent à cause du référendum et à cause du nationalisme québécois. Faut comprendre que le nationalisme était très, très proche de, je dirais, des hippies puis des macramés, puis tous ces gens-là, tous les chansonniers, Pauline Julien et compagnie, c'est mm-hmm. tout du monde qui était aligné pour le oui. Fait que c'est sûr que arriver avec un son à la Sex Pistols au milieu de ça, c'est une douche froide majeure. Le Québec, c'est un des endroits où est-ce que le punk a le moins pogné. Ça, c'est une des choses qu'on a découvert en faisant le documentaire sur Montréal Punk. Et ceux, les Québécois, les punks québécois, au fond, ils vont rejeter ça, ce mouvement nationaliste porté par... Un anarchiste, c'est pas quelqu'un qui veut un pays de plus, c'est quelqu'un qui veut un pays de moins. Ouais. L'anarchie, c'est la destruction des structures. Fait que tu veux pas ajouter une structure, tu veux faire sauter les structures. Mm-hmm. Vous allez vous-même donc embrasser ce mouvement punk. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, comme jeune, je sais pas quel âge vous avez à l'époque, mais vous décidez que je sais pas si vous décidez d'ailleurs, mais en tout cas, vous devenez punk. À 17 ans, moi, j'ai vraiment senti que la société me convenait pas. Puis j'ai trouvé que ce qu'on a entendu dans le reportage, c'était tout à fait ça. Effectivement, il y avait la guerre froide. On sentait qu'on pouvait recevoir une bombe nucléaire sur la tête n'importe quand. Il y avait une pression qui était omniprésente. Puis moi, je me retrouvais pas dans la culture granola hippie. Puis je pouvais pas me retrouver à travers ça. T'sais, il y avait rien à quoi je pouvais me raccrocher en termes de culture québécoise. Et c'est pour ça que quand j'ai découvert les groupes de New York, puis les groupes de Londres, puis tout ça, ben là, c'était ça que j'avais besoin. Là, ouais. Et concrètement, Alain Clich, à ce moment-là, être punk au quotidien, ça veut dire quoi? Être punk au quotidien, ça veut dire signifier du PCP, ça veut dire se défoncer, se geler la tête, faire tout ce que tu peux pas puis que tu n'as pas le droit de faire, incluant voler le char de ton père, faire un accident avec, faire un party avec des scies à chaîne, tout ce que tu peux imaginer, puis te faire coller dehors, puis te ramasser dehors à 17 ans. Là, c'est ça. Là. Et c'est ce qui va vous attendre, de fait. Votre père va carrément vous mettre à la porte. C'est intéressant que vous me parliez de ça parce que le prochain extrait, justement, tiré de l'émission Repères en 1983, nous présente le témoignage de parents, d'un père et d'une mère d'un punk. On va en parler tout de suite après, Alain Clich, mais on écoute ces deux parents vraiment nous parler de leur désarroi complet devant ce fils qui devient punk. Ça a commencé là, petit à petit. C'était une médaille, c'était deux médailles, c'était trois médailles. Là, ça a mis les cheveux tranquillement, puis des camisoles pas de manches. Des épingles, là. C'est quand la maladie des épingles a commencé, là, il y en avait partout. Déchirait son linge délibérément pour mettre une épingle. Je l'ai jamais vu comme ça, puis même aujourd'hui, je me demande pourquoi il est comme ça. Parce que c'était pas son genre. Il était doux, il était pas agressif. Puis il a changé, ce côté-là. Il demeure encore avec nous, excepté que... On lui a demandé de respecter nos idées puis notre façon de vivre. Alors, comment ça va se passer chez les Clich, Alain Clich, votre passage à l'univers punk? C'est un passage difficile. D'ailleurs, je le raconte en détail dans mon deuxième livre qui s'intitule « Normal », qui est le point de départ, d'ailleurs, de Montréal Punk. C'est à la suite de la lecture de tout ça qu'on a décidé de faire un documentaire. Mais ça s'est passé comme ça peut se passer dans une banlieue comme Sainte-Foy, proche de Québec. Je veux dire, c'est sûr que quand t'es gelé sur le PCP tout le temps, que t'es envoyé chier tes parents, que t'es pas correct, ben c'est sûr qu'à un moment donné, je veux dire, je me souviens quand je suis passé des cheveux longs aux cheveux rasés, quand je suis rentré chez nous, mon père, première affaire qu'il m'a dit, il dit, bon, ben là, t'es mieux pour aller te faire botter le cul dans l'armée, parce qu'à l'époque, c'était pour avoir si t'avais les cheveux vraiment, vraiment courts, il y avait juste les gens dans l'armée. Fait que ça a très, très mal passé. Puis évidemment, je pense que ça a été de mal en pis jusqu'à ce que je me retrouve sur la rue. Puis, mais j'en veux pas à mon père. Je veux dire, je pense que je peux le comprendre. J'aurais réagi pareil. T'sais. Puis, c'était pas évident, là, honnêtement. Là, je veux dire, on était cinglés. Là, faire des conneries, là, je veux dire. God Save the Queen des Sex Pistols, cette chanson-là va faire scandale, Alain Clich. Pourquoi? Ben, je veux dire, juste dans le titre, c'est clair. Je veux dire, c'est une attaque violente et directe envers le symbole de l'impérialisme anglais, britannique. Et c'est un point tel que les magasins ont même pas le droit d'écrire le nom de la chanson, qui est numéro un, soit dit en passant. Ils ont pas le droit d'écrire le nom de la chanson. La chanson peut pas jouer à la radio. Ça va... En tout cas, c'est les ouvriers qui travaillent sur la pochette refusent de faire la pochette. Fait que McLaren importe des pochettes de France. Ah, c'est vraiment un bordel complet. Là. C'est Malcolm vraiment... McLaren, qui est le gérant, le producteur, au fond, de Sex Pistols, le groupe qui fait cette chanson-là. C'est très, très représentatif, au fond, de cet esprit rebelle. Cette chanson. Oui, ça s'en prend directement au nerf de la guerre, comme on dit. Je veux dire, c'est clair que la révolte, le rejet de l'establishment, tu peux pas faire plus establishment que la reine d'Angleterre, qui est sur notre argent, tu sais, encore sur notre argent. Quelle importance ils vont avoir, les Sex Pistols? Ben, c'est un groupe extrêmement important parce que c'est principalement à cause d'eux qu'on a entendu parler du punk dans le monde entier. Je veux dire, les Sex Pistols sont à ce jour le groupe qui a eu la notoriété la plus rapide au monde, plus rapide que les Beatles. Parce qu'il faut comprendre qu'ils ont tellement foutu l'Angleterre à feu et à sang que les journaux du monde entier en ont parlé. Puis c'est pour ça que notre perception, c'est que ça vient d'Angleterre. Ouais. McLaren, là-dedans, quel rôle il va avoir? Ben, c'est un rôle important parce que lui, en fait, il a découvert le punk à New York. Il a vu un peu comment ça fonctionnait, le milieu là-bas. Fait qu'il a essayé d'importer ce climat de créativité puis de folie-là. Et c'est un homme d'affaires. Ce gars-là, il a un pif formidable. Il va commercialiser le punk, d'une certaine manière. C'est un génie marketing. Oui. Ça, c'est clair. On peut lui donner toutes les stones qu'ils ont inventées. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de goût. Puis c'est quelqu'un qui appréciait l'art. T'sais. Il y avait aussi une boutique de linge qui s'appelait Sex, où est-ce qu'il vendait... la mode punk, c'est beaucoup eux qui l'ont construit. Les épingles et tout ça, les t-shirts, les prints, puis tout ça, les bottes. Avec Vivienne Westwood, avec qui il vit à ce moment-là, designer. Oui, exactement. C'est Vivienne Westwood, c'était la designer. Puis c'est sûr qu'ils ont eu un impact très, très important au niveau de la mode. Ouais. Ça se compare comment ce punk anglais, des Sex Pistols et d'autres aussi, au punk américain? Le punk anglais est plus formaté, dans le sens qu'à partir du moment que le punk arrive en Angleterre, la musique se formate, le look se formate. Tandis qu'à New York, c'était un peu anything goes. Tu sais, je veux dire, les Ramones ont les cheveux longs, il y a des gens qui ont des trucs déchirés, tout ça. Tandis qu'en Angleterre, c'est beaucoup plus... Tu sais, c'est pour réagir au dress code anglais. Fait que c'est systématiquement, on détruit tout notre linge, les épingles à nourrice et tout ça. Fait que tout est plus formaté en Angleterre. Vous parliez des Ramones aux États-Unis. On les écoute. Hey! Les Ramones, quelle importance ils vont avoir, Alain Clich, les Ramones, aux États-Unis, mais sur la scène punk, plus généralement? Ben, c'est eux qui ont inventé pratiquement le son. C'est eux qui ont créé le son sur lequel tout le monde va se baser pour, c'est-à-dire un rock accéléré, compressé, comprimé, avec énormément d'humour et de sarcasme et de dérision. C'est vraiment eux, là. Ils sont pas les seuls, mais c'est vraiment eux. Les plus importants à ce niveau-là. Oui. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette musique-là? Quelle valeur aura cette musique, la musique punk? On en parle dans un instant, mais je vous propose d'abord un extrait qui va probablement pas vous étonner, parce que vous avez sûrement tout entendu, Alain Clich, mais vous faire sourciller quand même, parce qu'il y a des critiques qui vont vraiment être assassines à l'endroit de la musique punk. Je vous propose donc d'écouter le producteur de disques Marcel Stellman de l'étiquette Decca, la grande maison de Londres, à l'émission Femmes d'aujourd'hui en 1977, qu'est-ce que ça vaut musicalement? cette musique-là. C'est un retour en arrière, c'est du rock and roll d'il y a 20 ans. C'est une musique basée sur ce que faisait Chuck Berry. Ils ont démarré avec une base très simple qui est le rock and roll. Éventuellement, ils écrivent déjà leur thème, leur chanson, qui ne disent pas beaucoup, qui disent je cherche la fille que je voudrais, je cherche un changement dans la vie, je trouve que tout est vilain dans le monde, mais ils ne disent rien de nouveau, ça a été dit. Ce n'est pas très intellectuel. Oh, loin de là. Comment expliquez-vous ce phénomène ? Oh, un phénomène qui se passe à peu près dans notre industrie assez régulièrement. Quand il y a ce qu'on appelle un calme, il faut du bruit. Alors, il y a un groupe qui s'est mis à faire du bruit, qui s'est fait remarquer. Ils se sont dit, si on ne peut pas faire quelque chose de sensationnel, faisons quelque chose de différent. Mais ce n'est vraiment pas différent. Avez-vous une idée du chiffre de vente de disques consacrés à des groupes comme les Sex Pistols, c'est-à-dire ce nouveau mouvement ? Ça ne peut pas être ignoré. Je ne dirais pas que ce sont les chiffres d'affaires qu'a fait le feu Monsieur Elvis Presley ou les Beatles, mais disons que pour un début, c'est assez considérable quand on peut dire que le premier disque des Sex Pistols, ouais, je ne sais même plus prononcer le mot, a abouti à, je crois, 150 000 pour un premier disque sans avoir été joué à la radio. Parce qu'il a été interdit aux ondes. Donc ça va être important, Alain Clich, 150 000 à l'époque, là. Déjà, peut-être le chiffre a sûrement augmenté en plus par la suite, mais les Sex Pistols, ce sera un gros succès de vente. Avec le recul, comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre? Puis la vraie question, ça vaut quoi musicalement la musique punk? Ben, moi, je suis assez d'accord avec lui. Ça me surprend, mais je suis assez d'accord avec lui pour la première partie de ce qu'il dit, quand il dit que ça remonte aux bases du rock and roll, puis que ça invente rien, puis que les jeunes se sont souvent posé ces questions-là. Là-dessus, il a raison. Sauf que on dit souvent que tout a été dit, mais tout n'a pas été dit de toutes les façons. Mm-hmm. Puis les punks l'ont dit d'une façon, quand même, à mon avis, qui est assez originale, puis qui est assez nouvelle aussi. De quelle manière? Ben, c'était plus direct, tu sais, je veux dire, c'était cut the crap, tu sais, on enlève, on réduit, on enlève tout le superflu, tout le flafla, puis c'est en plein dedans, tu sais, on arrête de niaiser avec la punk, là, c'est bang, tu sais, c'est comme, il y a une urgence dans le punk qu'il n'y avait pas vraiment dans ce que moi je connais du rock'n'roll, dans le reste du rock'n'roll. Ouais. Il y aura dans tout ça un grand groupe, le groupe The Clash, puisqu'on parle de la valeur musicale de cette musique-là, et ce fameux album, cette fameuse pièce aussi, London Calling. Le magazine américain Rolling Stones va décréter que ce disque-là, London Calling, vous allez nous dire pourquoi tout de suite après avoir entendu un petit extrait de London Calling, ce disque-là va être le meilleur disque, dit Rolling Stones, des années 80. London Calling to the faraway towns, now war is declared. Come down, London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania is bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the truncheon thing. The ice is coming. The Clash, Alain Clich, ça c'est énorme. Ça va être un groupe très très important. Juste une petite mise au point, parce qu'il y a Rolling Stones dit, ce disque-là, London Calling, c'est le meilleur disque des années 80. C'est en partie vrai, mais en partie faux, mais c'est plus qu'anecdotique. Racontez-nous. Bah, c'est parce que London Calling est sorti en 79 en Angleterre, puis est sorti en 1980 aux États-Unis. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il joue sur les deux tableaux. Donc, pour Rolling Stones, c'est un disque de 1980. Mais c'est important parce qu'au-delà de l'anecdote, historiquement, quand on essaie de situer vraiment la période punk, c'est très court. Oui, en général, on s'entend pour dire que c'est les 15 à 79. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire London Calling n'est pas un album punk. Mais là, jusqu'à preuve du contraire, les Clash, ça demeure un groupe punk. Puis comme c'est sorti en 79 en Angleterre, bien, dans mon livre à moi, il fait partie du palmarès punk. Et dans votre livre à vous, la valeur, l'importance de Clash? Ben, c'est un groupe extrêmement important parce qu'il est ouvert sur tout le reste. Il est ouvert sur la musique jamaïcaine, il est ouvert sur le jazz, il est ouvert sur le rock. rockabilly. Il a ouvert sur le dub. Puis il a envoyé un message de tolérance au punk du monde entier en disant, écoutez, c'est bien beau les trois accords, là. Ouvrez votre esprit, allez ailleurs, puis devenez qu'est-ce que vous avez à être. Puis ça, c'est un message extrêmement important. Un petit peu plus... parce qu'on disait, dans le reportage, on entendait Jean Larin qui disait, c'est pas une musique intellectuelle. Un petit peu plus, intellectuelle ou de contenu, est-ce que... Les Clash, c'est un groupe très, très politisé. C'est ça. Puis je veux dire qu'il n'y a pas de contenu dans les Sex Pistols puis dans les Clash, c'est parce que le gars, il a clairement pas écouté les paroles. Parce que quand on écoute God Save the Queen, je pense qu'en termes de contenu, oui, il y a un contenu. Si le disque a été interdit de jouer à la radio, c'est parce qu'il dérangeait du monde. Ça veut dire qu'il y a un contenu. Oui. Puis les Clash, ben, c'est clairement un groupe très, très politisé. Extrait de la pièce Noisy Neighbors du groupe montréalais The Normals. Quelle va être l'importance de la scène punk au Québec, à Montréal, à l'Incliche? C'est une scène importante dans le sens que c'est un début. Premièrement, c'est la première fois que je pense que des anglophones puis des francophones travaillent ensemble dans des groupes. Ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui en ont parlé, mais ça, je trouve que c'est quand même important. C'est important aussi parce que c'est le début de tout ce qu'on va appeler la contre-culture. On a beaucoup parlé du New Wave récemment, mais je veux dire, le punk est passé avant ça, tu sais. Fait que c'est le début aussi, je dirais, de la musique indépendante. Aujourd'hui, Montréal est réputée pour être une ville importante dans le monde au niveau de la musique. Et musique indépendante, entre autres, ben, c'est le début, il est là. Mm-hmm. Il en reste quoi de tout ça, de cet esprit, de cette musique? Il reste quoi du punk aujourd'hui? Ben, je dirais que l'héritage le plus important, c'est le DIY, le do-it-yourself. C'est-à-dire que même si tu sais pas faire de la musique, tu prends une guitare et tu le fais. Même si tu sais pas faire de cinéma, tu prends ton Kodak, puis tu fais un truc. Puis ça, aujourd'hui, de plus en plus de monde le font. T'sais. Fait que ça, je pense que c'est un héritage important. Est-ce qu'on connaît? On a oublié. Ça a été court, quelques années. Est-ce qu'on a oublié ça ou pas? Moi, je pense que je vois de plus en plus de monde faire des choses, même s'ils n'ont pas nécessairement les compétences pour le faire. Je pense que... Puis aussi, il y a une remise en question importante du système. Tu sais, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'environnement puis d'un paquet de trucs. Bien, tu sais, ces thèmes-là, ils étaient dans la musique punk, puis le punk a vraiment, vraiment ouvert plusieurs portes à ce niveau-là. Ça l'a aidé. On dit toujours que les jeunes sont pas politisés, bien, je m'excuse, là, mais cette musique-là a ouvert les esprits puis les yeux à un paquet de monde qui se serait jamais intéressé à la politique sinon. Mm-hmm. On a besoin de refaire le monde, tu sais. Je veux dire, ma génération, on n'y est pas. Le punk a été un échec, je dirais, au niveau mondial. Ça a peut-être changé des choses en Angleterre. Dans le reste du monde, ça a été un échec. Mais au moins, ça a ouvert des portes en disant, bon, ben, on essaie des nouvelles façons de faire. On essaie d'autres choses. Puis, c'est de brasser la cage. Mm-hmm. Simplement brasser la cage. Alain Clich, auteur, co-réalisateur en 2011 du documentaire Montréal Punk, merci d'être venu brasser la cage avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. I never felt so much like a life.